Page 59. Activité 7. Piste 49. A. C'est un petit tableau. C'est une petite chaise. B. C'est un joli crayon. C'est une jolie gomme.